Ben, j'ai une dame qui m'appelle. Il y a un vélo sur René Lévesque, direction Ah! qui est dans voie réservée aux autobus et qui n'a pas ses phares allumés. Mais à ce temps ici, en vélo, là. Sérieux? Puis il y en a un sur Pierre Bertrand, mais comme la nouvelle voie cyclable n'est pas ouverte à raison de la neige, ben lui, il est en voie de circulation aussi. Donc, les vélos, ce matin, vous pourriez vous abstenir, peut-être. Hey, toi, quand c'est rendu que la police dit aux gens, sortez pas sur la route si vous n'avez pas d'affaires un matin. Tu sais, on entend ça des fois, là. C'est moi qui l'ai dit tantôt. Je veux dire, je vois la situation. Je comprends les gens que c'est faux. Allez travailler, allez-y. Quelqu'un là qui c'est vraiment pas urgent à matin, moi je vous conseille de rester chez vous en auto. Le vélo qui est sur la route à matin là, c'est quoi le numéro du suicide? On va le donner là. Tu sais, chaque fois qu'on parle de ça, il faudrait rappeler les infos. Donnez-moi le numéro pour ça. Voyons, c'est dangereux. Puis en plus, c'est dangereux pour tout le monde. Oui. Pour les autos, on veut pas. Je connais personne. C'est pas vrai là l'histoire qu'on est agressif. Quand t'es derrière le volant, tu veux surtout pas frapper un vélo parce que vous êtes sans protection. Mais ça nous stresse. On vous voit, puis ça nous pousse à faire des petits coups de volant, puis tout, puis garde, tassez-vous de là. Daniel, bon matin. Oui, bonjour. Henri Cat est dans la cour pour mon sortir de capitale, pour embarquer un 4-8. Il y a un monsieur qui est en panne, en voie de droite, dans la cour, pour embarquer sa 34. OK, alors essayez de prendre la voie de gauche. Si vous êtes sur de capitale et vous voulez aller chercher Henri Cat en direction sud, dans la voie de droite, véhicule en panne. Ouais, puis du tout, il y a des vélos, là. On est au Québec, ça reste dans un garde-robe, puis il est là, il n'y a pas d'abord là. Merci, Daniel. Merci, je suis d'accord aussi. Ce matin, là, la personne qui dit, moi, je prends le vélo, là, il y a une volonté de faire chier un peu le monde. Il y a une volonté de poser un genre de geste de provocation. Sérieux, là? Puis je sais qu'il y en a qui roulent en hiver en vélo quand il fait beau. J'en connais même, ils font bien attention, ils prennent des petites rues, ils font pas chier le monde, ils roulent ses trottoirs, tout ça, c'est tel que tel. On peut être tolérant. Pas à matin. À matin, il n'y a pas d'excuses. Pascal,